Harlem ou Chicago. Les gangsters soupirent en sortant des limousines, le doigt sur la gâchette tel qu'on se l'imagine, en rêvant d'une fille qui chante au bistrot du port, à la combinaison du prochain coffre-fort. Quand on tire au hasard le soir du rendez-vous, comme on prend à la gare un train pour n'importe où. Goodbye Charlie, tu fais le malheur de mon cœur et de ma vie. Goodbye Charlie, pour un air de jazz sous la pluie. Goodbye Charlie, dans le ghetto, les buildings ont le feu dans les eaux, les étoiles brillent sur l'acier gris des barreaux. Je me sens à l'étroit à travers mes souvenirs. J'avance pas à pas sans un mot pour le dire. En rêvant de quelqu'un, le dernier des magiciens, qui de son piano vous donne un lendemain. Du soleil sans brouillard, l'espoir d'un rendez-vous. Quand on cherche l'amour au détour, Dieu sait où. Goodbye Charlie, chasser ton cafard en répétant